Bonjour, ici Jessica Leb, vous écoutez CKRL, la plus ancienne radio communautaire francophone au monde, située sur la 3e avenue à Limoilou. Dans l'émission aujourd'hui, notre invité Régent Lemoine nous parle du Limoilou communautaire. On parle souvent de Limoilou comme un quartier de communauté où on connaît son voisin. Il y a beaucoup d'entraide et de solidarité. Est-ce que c'est unique à Québec? C'est une caractéristique qui existe dans le quartier depuis très longtemps. Le sociologue Jean-Charles Falardeau, qui est un des grands sociologues québécois, a étudié le quartier dans les années 40, fin des années 40. Et il disait, lui, parce qu'il venait de la Haute-Ville peut-être, que c'était le quartier le plus solidaire de la ville de Québec à cause du tissu serré des familles, de la présence de l'Église catholique avec beaucoup d'institutions, les patrons, puis tout ça. Donc, c'était effectivement un quartier solidaire. Oui, il existait, je pense, une solidarité dans le quartier parce que c'était des ouvriers. C'était la classe ouvrière, donc c'était des gens qui devaient s'entraider. Il y avait beaucoup de commerces locaux, donc il y avait une économie locale très, très dynamique. Et surtout, il y a toujours eu des organismes citoyens. C'était au niveau des paroisses. Avant les années 60, donc chaque paroisse avait un comité de citoyens qui défendait les intérêts du quartier, qui allait au conseil municipal. Il y a aussi des organismes d'aide aux citoyens.